Alhamdulillah Rabbil Alameen. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Sana'ishu al-yawma ma'a qissatin yarwiha al-da'iyatu al-shahir. On va vivre aujourd'hui avec une histoire racontée ou rapportée par le célèbre prédicateur Al-Ustad Amr Khalid, le professeur Amr Khalid, Jazahullahu khayran ala ma yaqumu bihi min khayr, que Dieu le récompense de la meilleure façon pour tout ce qu'il fait comme bonnes œuvres. Kam min shababin wa nujum tabu muslimin, tabu lillah ala yadayh. Combien de jeunes, combien de stars musulmanes sont revenus vers Dieu grâce au professeur Amr Khalid. Yaqul al-ustad, ce professeur dit, ja'atni risala abra al-barid al-elektroni. J'ai reçu un message sous forme d'email, min fatatin taqulu fiha. Le message est venu de la part d'une jeune, et dans ce message, la jeune dit « Ana fatat ismi Sarah. Je suis une jeune qui s'appelle Sarah. Walidi Lubnani Muslim. Mon père est un Libanais musulman. Wa ummi Lubnani Masihiya. Et ma mère est une Libanaise chrétienne. Intaqala ila Venezuela. Qui ont émigré vers le pays de Venezuela, wa ba'da fatra infasala an ba'dihima liyatazawwaja kullun minhumā biman yunasibuh. Après peu de leur installation dans ce pays, ils se sont séparés l'un de l'autre afin que chacun des deux parents se marie avec la personne qui lui convenait. Wa baqitu ana ha'iratan sharida. Et je suis resté perdu et égaré. وَقَدْ رَزَقَنِ اللَّهُ جَمَالًا أَخَادًا. Je remarque que Dieu m'a accordé une beauté saisissante. فَنْزَلَقَتْ قَدَمِي. J'ai commis une erreur en faisant un mauvais choix. لِأَنْضَمَّ إِلَى مُسَابَقَاتْ مَلِكَاتْ الْجَمَالْ هُنَاكْ. Le mauvais choix, c'était le fait de participer dans le concours de la beauté pour devenir Miss Venezuela. وَانْتَهَا بِيَ الْمَطَافِ إِلَى الْعَمَلْ فِي بَارْ. Et à la fin, j'ai travaillé dans un bar. وَصَارَ لِي صَدِيقٌ يعني قول هو boyfriend. Et j'ai eu par la suite un ami avec lequel je sortais. Lui, il dit exactement un boyfriend. وَنَسِيتُ دِينِي. Et j'ai oublié ma religion. بَلْ نَسِيتُ أَنِّي مُسْلِمَةً. Et j'ai oublié même que je suis musulmane. وَلَمْ أَعُدْ أَعْرِفْ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمَةً. Et je ne connaissais de l'islam par la suite que le nom. وَلَا عَنِ الْمُصْحَفِ إِلَّا رَسْمَةً. Et je ne connaissais par la suite du Coran que sa calligraphie. وَفَجْأَةً كُنْتُ أُتَابِعْ قَنَاةِ الْبِسِي الْفَضَائِيَةِ اللُّبْنَانِيَةِ مِنْ فِنِزْوَيْلَا. Un de ces jours, j'étais en train de suivre la chaîne parabolique LBC, la libanaise, dans le pays du Venezuela. لِأَنَّهَا قَنَاةِ اللُّبْنَانِيَةِ وَرَأَيْتُكَ يَا عَمْرْ خَالِدْ تَتَكَلَّمُ عَنِ الْعِفَةِ. Et je t'ai vu, oh Amr Khalid, en train de parler de la chasteté. فَلِأَوَّلِ مَرَّةِ Ash'uru bil khajal min nafsi. Pour la première fois, j'ai ressenti la honte de moi-même. Wa annani asbahtu sil'atan rakhisa fi aydi al-awghad. Et comme quoi je suis devenu une marchandise à bas prix entre les mains des voyous. In sharaha sadri. Ma poitrine s'est apaisée. Mon cœur s'est soulagé. Et je ne connais pas dans ce pays aucun musulman à part toi. Et après Sarah dit, Ya Amr, al yaqbaluni Allah, oh Amr, est-ce que maintenant Dieu m'accepte? Wa ana al-ghariqatu fil mubiqati wal atham, moi qui étais plongé dans les péchés et la désobéissance totale. Yaqulu Amr Khalid. Amr Khalid dit, ajabtuha an sa'ati rahmatillah wa fadlihi wa hubbihi lit-ta'ibin. Je lui ai rappelé la largesse de la clémence de Dieu, sa grâce et son amour, son grand amour pour les repentis. Farsalat Sara taqul. Sarah par la suite a envoyé un autre message. Uridu an usalli. Je veux faire la prière. Wa laqad nasitu surat al-Fatiha. Mais j'ai oublié le chapitre Al-Fatiha, le premier chapitre coranique, il est oublié. Uridu an ahfaza shay'an min al-Qur'an. Je veux mémoriser un peu du Coran. Qala Amr, Amr dit, fa arsaltu laha bil barid al-musta'jal khatmatan musajjalatan kamilatan bi sawti imam al-haram al-shaykh Saoud al-Sharim. Tout de suite, je lui ai envoyé, dit Amr, par courrier express, une copie de récitation coranique entière avec la voix de l'imam de la Mecque, al-Sheikh Saoud Shirim. Ba'da thalat ayyam, après trois jours, arsalat Sarah taqoul. Trois jours par la suite, Sarah m'a écrit un message dans lequel elle dit « Hafidtu surat ar-Rahman wa al-Naba ». J'ai mémorisé le chapitre du miséricordieux, ar-Rahman, et le chapitre de Naba, l'information ou la nouvelle. « Wa bada'tu usalli ». J'ai commencé la prière. « Thumma arsalat taqoul ». Par la suite, elle a envoyé un autre message. لقد هجرت البويفريند هذا الصديق هجرته وطردته جي abandonné le boyfriend l'ami je l'ai abandonné je l'ai chassé وجدت احسن منه elle a trouvé mieux que lui وجدت الله elle a trouvé Allah احبت الله elle a aimé Allah au lieu d'aimer un voyou تقول ساره سغدي كما انني انفصلت عن كما انني يعني فارقت هذا البوي فريند فارقت مسابقات الجمال وفارقت البار de la même manière que j'ai abandonné le boyfriend j'ai abandonné le concours de beauté et j'ai abandonné le travail dans le bar يقول الاستاذ عمر le professeur عمر dit وبدأت الشابة سارة تقبل على الله سبحانه بصدق. Et la jeune Sarah a commencé à se concentrer sur Dieu avec toute sincérité. لقد وجدت ذاتها لأنها عرفت ربها. Elle s'est retrouvée parce qu'elle a rencontré enfin son Seigneur. بعد أسبوعين, après deux semaines de correspondance, أسبوعين من المراسلات, يعني الوقت يمر بسرعة, le temps passe vite. أرسلت سارة تقول, Sarah a envoyé un autre message, إنني متعبة. إنني متعبة يا عمر. لهذا انقطعت عن مراسلتكم. Je suis très fatiguée, je suis souffrante, ô Amr. C'est pour ça que j'ai arrêté ma correspondance avec toi. وأصابها صداع وآلام شديدة. Elle subissait une grande douleur et beaucoup de souffrance. وبعد الفحوص والكشف الطبي, après les analyses, après les radios, قالت, elle dit dans un autre message, يا عمر, ô Amr. إنني مصاب بسرطان في الدماغ. Ô Amr, je suis touché par un cancer du cerveau. يا عمر, ô Amr, أنا لست زعلانة بل فرحانة. Ô Amr, je ne suis pas du tout inquiète. Je suis joyeuse, je suis heureuse. لأنني عرفت ربي وأحببته. parce que enfin j'ai connu mon Seigneur et je l'ai bien aimé. وقبلت عليه قبل المرض وقبل البلاء, et parce que je suis revenu à mon Seigneur avant d'avoir subi la maladie et avant d'avoir subi l'épreuve. أنا داخل على العملية المستعجلة بعد يومين. Je vais subir une opération d'urgence après deux jours. وأنا خائفة. Et j'ai peur, Allah yaghfir Allah li idha mit. J'ai peur que Dieu ne me pardonne pas dans le cas où je décède. Fakatab al-ustad Amr, et al-ustad, le professeur Amr, lui a écrit: كيف لا يغفر الله للتائبين؟ Comment Dieu n'absout pas ou ne pardonne pas les repentis؟ لقد أكرمك الله بهذه العودة إليه. Dieu t'a anobli par ce retour vers lui. وبحفظ سورة الرحمن, et Dieu t'a anobli, t'a honoré par la mémorisation rapide du chapitre le miséricordieux qui fait normalement trois pages. وأنت الآن بين يدي أرحم الراحمين. Et tu es maintenant entre les mains du plus miséricordieux de tous les miséricordieux. وفتح لها أبواب الرجاء وطرد من نفسها اليأس. Et il lui a ouvert toutes les portes de l'espoir et il lui a fermé et chassé d'elle-même le désespoir. وكتبت سارة. Et Sarah a écrit une autre fois: لقد وضعت أشرطتي لترتيل القرآن بصوت إمام الحرم سعود الشريم في المسجد مع أشرطتك. يا عمر, j'ai déposé tous les CD de récitation coranique avec la voix de Cheikh de la Mecque dans la mosquée, accompagné de tes CD, لأنني ربما أودع الحياة, parce que peut-être je vais quitter ce bas monde. لتكون لي صدقة جارية, afin que ces CD soient pour moi une aumône permanente. وبعد يوم, الوقت يمر بسرعة, le temps passe vite. Après un jour, أرسلت صديقتها المسيحية, sa copine, son amie chrétienne a écrit cette fois-ci à Amr: لقد ماتت سارة. Sarah est décédée. Allahumma arham Sarah wa jami'a amwati al-muslimin wa al-muslimat. Ô notre Seigneur, accorde ta clémence et ta miséricorde à Sarah ainsi que tous les morts des musulmans et musulmanes. Wahdi ahya al-muslimin wa al-muslimat. Et notre Seigneur, guide les vivants parmi les musulmans et les musulmanes vers ta voix juste. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه, وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, après ceci, عباد الله, serviteur de Dieu, سارة كانت تعيش في بلد غير إسلامي. Sarah vivait dans un pays non musulman. معنى فيه أقلية مسلمة. C'est-à-dire dans lequel il y a une minorité musulmane. والمصيبة, الإنسان لما يكون في بلد أقلية يرى الحرام كثيرا حواليه. إلى درجة أن يصبح الحرام حلالا عنده. Le problème des gens qui vivent comme minorité dans un pays qui n'est pas musulman, le problème, le danger qui les guette, c'est qu'en regardant jour après jour le haram autour d'eux, un certain jour le haram va devenir halal pour eux. Parce qu'ils disent dans leur tête: regardez, tout le monde fait ça et rien ne lui arrive. Pourquoi moi je me prive? تخيلوا لو أن سارة بقيت شاربة في جنتها الشيطانية. Imaginez avec moi dans le cas où Sarah est restée égarée dans son paradis satanique. مسابقة الجمال, concours de beauté, quelle joie! Concours de beauté. Al-bar, le bar, quelle joie! Al-boyfriend, quelle joie! Hatta matat, jusqu'à la mort, qui était toute proche. Sarah, tabat. Sarah s'est repentie. Wa ba'da 20 yawman min tawbatiha matat. Et après 20 jours de son repentir, elle est décédée. At-tawba ghayrat kull shay'in fi hayatiha. Le repentir a changé toute chose dans sa vie. Laqad ahabbat Allah. Elle a aimé Dieu. Wa ahabbaha Allah. Et Dieu l'a aimé. Li'anna Allah yaqul, parce que Dieu dit dans un verset coranique, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu certes aime les repentis ou les gens qui se repentent et aime les gens qui se purifient. Akhi, ukhti, frère, sœur, qu'attends-tu? At-tawba at-tawba. Le repentir. Al-hayatu qasira. La vie est très courte, insignifiante même. La vie est éphémère. Inna Allah yaqul. Dieu dit, ya ayyuhalladhina amanu. Allah huna yatakallam ma'al mu'minin, la yatakallam ma'al husat. Ya ayyuhalladhina amanu. Toubou ilallahi taubatan nasuha. Ô vous qui avez cru, là Dieu s'adresse aux croyants et non pas aux désobéissants ou aux autres. Ô vous qui avez cru, revenez à Dieu dans un retour sincère ou repentez-vous à Dieu un repentir sincère. Il s'adresse à nous-mêmes. Akhi urti, rabbuka yunadi, frère ou sœur, ton Seigneur il t'appelle. Yaqulu lak. Il te dit, reviens vite à moi. Qu'attends-tu donc? Brise tous les liens, casse tous les liens. Mamilla sayakoul. Qui parmi nous va dire? Wadumu'uhu fi aynayhi, avec les larmes aux yeux. Rabbi unadini, mon Seigneur m'appelle. Yatlubu minni tawba, il me demande le repentir. La shay'a fi dunya yahbisuni, aucune chose dans ce bas monde m'empêche de faire le repentir. Sa'atruku kull shay'in min ajli rabbi, je vais tout abandonner pour mon Seigneur. Wa qabla an natafaraq, et avant qu'on se sépare, ahmisu fi udunayk, je souffle dans tes oreilles. La yumkin ya akhi aw ya ukhti an tatub. Il n'est pas possible, c'est impossible, mon frère ou ma sœur, que tu te repentes. Illa idha faraqta asdiqa as-su, que lorsque tu quittes, tu abandonnes la mauvaise fréquentation. Lanna mumkin an tatub al-yawm wa idha baqit ma'ahum ghadan tarahum fata'ud li nafsi ash-shay. Parce qu'il se peut que tu te repentes aujourd'hui, mais dès que tu vas vivre encore avec la mauvaise fréquentation, tu vas chuter comme tu as chuté dans le passé. Wa baddilhum bi-sah fariq al-ashrar wa baddilhum bil-akhyar, et remplace les mauvais par des vertueux. Autre كل أصدقاء السوء, abandonne toute la mauvaise fréquentation. واختر الله, et choisis Dieu. افعل مثل سارة رحمه الله, fais mon frère ou ma soeur exactement comme Sarah, que Dieu l'englobe de sa miséricorde. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا تواب يا رحيم, يا رب تب علينا في هذا اليوم, تب علينا من كل شيء حتى نتوب من كل شيء, وارحمنا بعد التوبة فإنك أنت التواب الرحيم. يا رب أخرجنا من جنة الشيطان وأدخلنا في جنتك يا رحمن. يا رب احمنا واحمي أولادنا واحمي بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم الجليل على ذي القدر الجليل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا